Alléluia. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé. Hey Yahweh, akokoba mona yo pona kondima na bango. Mona bilengo ngai pile lo na lingi na mona. Yesengo nangai, yesengo nangai, hey.